durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une entreprise à mission, ce terme inventé par le chercheur Kevin Levillain pour désigner une entreprise à finalité d'ordre social ou environnemental. Lilo.org, c'est le nom de l'entreprise, sujet du jour, poursuit les deux finalités puisqu'elle vient de verser 1 million d'euros et même un peu plus à près de 150 projets sociaux et ou environnementaux. Nous sommes avec Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org et des représentants d'associations bénéficiaires. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Parmi les 150 projets sociaux et environnementaux aidés un peu partout en France par Lilo.org, il y a le centre de sauvegarde de la faune Lorraine, dont vous êtes le porte-parole, Alexandre Portman. Bonjour. Bonjour. L'association nancéienne Dynamo, dont vous êtes Isabelle Vaillant, la coordinatrice de l'activité, et Axel Broman, secrétaire au conseil d'administration. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Mais j'aimerais que l'on commence avec le cofondateur de Lilo.org, qui est avec nous au téléphone depuis le siège parisien de Lilo.org, Clément Lebras. Bonjour. Bonjour. Lilo.org est une entreprise à mission. Ça veut dire quoi et comment ça marche, Lilo.org, Clément Lebras? Alors, Lilo, c'est un moteur de recherche dont le but est de financer des projets sociaux et environnementaux. Quand vous dites moteur de recherche, Clément Lebras, on ne va pas citer de nom, mais on connaît tous Google, par exemple. Oui, voilà, c'est exactement. Donc, quand vous faites vos recherches sur Lilo, vous allez faire vos recherches comme vous les feriez sur Google, c'est-à-dire que vous faites vos recherches quotidiennes. La grosse différence entre Lilo et Google, c'est qu'à chaque recherche que vous faites sur Lilo, vous allez pouvoir générer de l'argent pour pouvoir financer des associations, des entreprises sociales, et des projets innovants dans le domaine social et de l'environnement. Donc, comment ça marche? Du coup, ça va me coûter des sous. Et non, c'est tout à fait gratuit. Donc, justement, comment ça fonctionne et comment on arrive à générer cet argent pour financer les projets? Parce que c'est 100% gratuit pour les utilisateurs et ça fonctionne exactement comme Google. En termes d'environnement, etc., l'internaute, nous, notre but, c'est que l'internaute ne soit absolument pas perdu et que on arrive avec des résultats de qualité similaire et qu'en termes d'expérience utilisateur, on soit sur les mêmes processus que après quand vous allez faire vos recherches sur Google. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Vous faites votre recherche sur Lilo, par exemple, vous cherchez, l'adresse d'un restaurant dans votre ville. Ou de l'association Dynamo, là, tiens, par exemple. Exactement. Donc voilà, vous recherchez des informations sur l'association Dynamo et vous tapez votre recherche. Et en fait, en lançant cette recherche, vous allez gagner une goutte d'eau. Donc cette goutte d'eau, c'est Lilo qui vous l'a fait gagner et elle va représenter l'argent que vous avez généré par votre recherche. Donc vous faites par exemple 100 recherches, vous avez 100 gouttes d'eau, et à tout moment, quand vous le souhaitez, vous pouvez distribuer ces gouttes d'eau aux différents projets qu'on vous présente sur une plateforme, donc que vous pouvez choisir, et nous ensuite, Lilo, on transforme les gouttes d'eau en argent. Et vous aviez dit tout à l'heure que du coup on se demandait si c'était payant, mais pas du tout, c'est bien complètement gratuit. Et en fait, l'argent provient des liens commerciaux que vous voyez en haut des résultats de recherche. Vous savez, c'est ce lien. Quand vous dites les liens commerciaux, Clément Lebras, ce sont des publicités, en somme. Oui, c'est ça. Ce sont des publicités. En tout cas, ce sont des structures qui payent pour être présents sur le moteur de recherche. Donc, que ce soit des associations, des entreprises. Ce sont les liens que vous voyez. En fait, ce sont les liens que vous voyez en haut des résultats de recherche. Mmh. Par contre, quand on parle de publicité, on ne parle absolument pas de publicité intrusive, de vidéo, ou d'images qui viennent vous gâcher votre expérience. C'est exactement la même chose, en fait, que sur Google, de ce point de vue-là. D'accord. Alors, je fais une recherche sur Lilo.org, et chaque fois que je clique, ou chaque fois que je fais une recherche, en tout cas, ça génère une goutte d'eau. Et comment je sais combien de gouttes d'eau j'ai amassé? Eh bien, en fait, quand vous allez faire une recherche, vous allez avoir un petit compteur de gouttes d'eau juste à côté, où vous voyez, en fait, ce compteur s'incrémenter. Donc, c'est un petit peu comme entre guillemets, une sorte de monnaie virtuelle, de compte bancaire, en fait, que vous avez, et vous avez ce petit compteur de gouttes. Et donc, à chaque fois que vous faites une recherche, vous gagnez, vous incrémentez ce compteur de une goutte d'eau. Donc, par exemple, vous avez fait 50 recherches, vous allez voir le compteur passer de 49 à 50. Voilà, tout simplement. Et ensuite, en cliquant sur ces gouttes d'eau, Vous allez cliquer dessus et là, on va vous présenter l'ensemble des projets qui sont soutenus sur l'îlot et vous distribuez vos gouttes d'eau au projet que vous souhaitez choisir. Alors, ma question n'était pas tout à fait sincère parce que j'utilise moi-même l'îlot justement en tant que moteur de recherche. J'ai vérifié, tiens, avant de démarrer cette émission, Clément Lebras, j'ai 1622 gouttes actuellement, parce que je les distribue régulièrement, il m'arrive des fois d'oublier un peu, donc je mets 5 à 6, 7000 gouttes d'eau. Vous avez réussi comme ça à reverser aujourd'hui, là vous fêtez l'anniversaire, 1 million d'euros à 150, évidemment divisé par 150 projets sociaux et environnement, c'est absolument considérable. Oui, tout à fait. Là, on a dépassé sur 1 million d'euros reversés au projet et donc ça commence effectivement, les petites gouttes d'eau forment, on va dire, commencent à former des grandes rivières. Et ce qu'on peut dire, hein, pour donner un chiffre aux auditeurs très concret, c'est qu'un utilisateur aujourd'hui sur l'îlot va générer, pour les projets directement, va générer entre en moyenne 7 euros par an. 7 euros par an en utilisant l'îlot. Et nous, en fait, pour revenir aussi sur votre première question de l'entreprise à mission, en fait, on se finance, donc on est une entreprise, mais dont le but, justement, est la finalité sociale. Et en fait, on se finance en reversant la moitié de tout ce qu'on touche au projet, donc 50% de notre chiffre d'affaires reverse au projet, et on s'en finance avec les autres 50%. Donc c'est vraiment un engagement fort. C'est comme ça qu'on se finance aujourd'hui. Et vous parliez de 1 million d'euros, oui. C'est considérable, mais il faut savoir qu'en France, chaque année, le moteur de recherche génère entre 1 et 2 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est encore une toute petite goutte d'eau parmi le potentiel de ce qu'on pourrait reverser rien que pour les internautes français. Et ces 2 milliards d'euros, Clément Lebras, proviennent donc de la régie publicitaire que l'on retrouve sur ces moteurs de recherche. Oui, c'est ça. C'est les petits liens. Vous tapez appareil photo, par exemple, et donc vous allez avoir des liens sponsorisés. Donc ça peut être la Fnac, ça peut être, enfin voilà, ça peut être des marques d'appareils photo, des distributeurs qui payent en fait pour être affichés à cet endroit-là. Et vous financez donc ainsi 150 projets sociaux et environnement. Ça fait une aide moyenne d'à peu près 3000 euros par projet soutenu. Alors, comme effectivement on soutient aujourd'hui 150 projets qu'on a reversé un peu plus d'1 million d'euros, ça fait en moyenne 6000 euros pour chaque projet. Comment est-ce qu'on fait pour bénéficier du soutien de l'îlot, Clément Lebras? Ça c'est très simple. Alors aujourd'hui, en fait, quand vous avez un projet, vous pouvez aller sur l'îlot.org et postuler directement via un formulaire de contact. Et nous, on a en fait un système en 3 étapes qui permet justement pour sélectionner les différents projets. La première étape, donc, c'est nous, l'équipe l'îlot, faisons une première validation sur différents critères, donc l'impact social environnemental. Le fait que le projet doit exister déjà depuis un certain temps pour justement avoir déjà un premier impact et l'existence d'une première communauté autour du projet. Ensuite, le projet va sur une plateforme intermédiaire où il va déjà pouvoir commencer à fédérer sa communauté et recevoir des gouttes d'eau. Et une fois par semaine, en fait, le projet qui a le plus de soutien passe sur la plateforme financement où il est plus utilisateur. Des étapes. Alors, on va bien sûr profiter de la présence de deux structures bénéficiaires, ou en tout cas qui sont présentes sur la plateforme l'îlot. On va commencer avec vous, Isabelle Vaillant, coordinatrice de l'activité de l'association Dynamo. C'est quoi, Dynamo? Alors Dynamo, c'est une association qui a un atelier d'auto-réparation de vélos. On existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ça concerne à peu près 1500 adhérents et adhérentes. Et le but, c'est vraiment que les personnes viennent avec leur vélo pour réparer elles-mêmes ou apprendre à réparer elles-mêmes avec les conseils, les outils et les pièces qui sont à disposition dans l'atelier. Et puis, il y a aussi l'aspect récupération tout au long de l'année, collecte de vélos, les vélos qui vont être jetés, qui dorment dans des garages, etc. L'idée, c'est d'inviter toutes les personnes à les rapporter les revisiter, les recycler, les réutiliser, les remettre sur route. On reviendra bien sûr sur votre... l'objet de votre association, Isabelle Vaillant, l'association Dynamo, un peu plus tard. Alexandre Portman, vous êtes porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. Là, on a pratiquement tout dit dans le titre. On n'a pas tout dit, mais en premier lieu, on est un centre de soins, donc on récupère toute la faune sauvage de la Lorraine pour pouvoir les soigner et après les relâcher dans le milieu naturel. Mais sinon, après, on fait de l'animation nature et on essaye de sauvegarder aussi une espèce qui est chère à la Lorraine, le busard cendré, qui est en train de disparaître. Un rapace remarquable, en Lorraine, mais ailleurs aussi. Clément Lebras, de façon très courte, les deux associations qui sont avec nous, Dynamo et le Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine, sont représentatives des projets que vous soutenez ? Oui, c'est... Alors là, c'est très représentatif, puisque nous, parmi effectivement les 150 projets dont on a parlé, il y en a également plus de 500 qui sont répertoriés aussi sur l'îlot, donc c'est parti Dynamo et le Centre de soins en Lorraine. Et l'objectif, au-delà finalement du financement, c'est aussi de proposer, de faire connaître en fait des projets à impact très local, où justement en fait Internet va permettre, ne va plus être virtuel, mais va justement permettre d'aider et d'accompagner des associations qui ont un impact dans sa région, dans sa ville ou dans son quartier. Durablement vôtre. Éric Mutchler. De petites gouttes d'eau coulent, coulent de tes yeux, glissent, glissent sur ta peau comme de diamants bleus, comme de diamants bleus. De petites gouttes d'eau à côté du Niagara, c'est pourtant, pourtant bien un peu. Pour qui ne comprend pas, pour qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau tombent, tombent sur ma main et se cherchent sur ma peau. L'endroit de leur écrin. De petites gouttes d'eau à côté trésor de roi, et pourtant, pourtant, mais un peu. Pour qui ne comprend pas, pour qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau coulent, coulent sur mes doigts, glissent, glissent sur ma peau, et dans ma bouche se noie, et dans ma bouche se noie. De petites gouttes d'eau entre deux lèvres assoiffées, c'est pourtant, pourtant bien un peu. Pour qui ne comprend pas, qui ne comprend pas. De petites gouttes d'eau coulent, coulent de tes yeux, glissent, glissent sur ta peau comme de diamants bleus, comme de diamants. Nous sommes toujours avec l'association Dynamo et le centre de sauvegarde de la faune Lorraine, bénéficiaire sur la plateforme lilo.org, avec justement aussi le cofondateur de cette entreprise à mission avec nous au téléphone, Clément Lebras. Clément Lebras, d'où vient cette idée de créer un moteur de recherche qu'on peut qualifier d'éthique ? L'idée, elle part d'un constat qui est très simple. C'est que aujourd'hui, la plupart des internautes vont faire leurs recherches, on le sait aujourd'hui, principalement sur Google. Et en fait, derrière ce geste qui est devenu, qui s'est vraiment intégré dans notre quotidien, il y a des enjeux qui sont très importants. Notamment, d'ailleurs, pardonnez-moi Clément, la plupart n'ont absolument pas conscience, c'est-à-dire qu'on utilise Google, pour citer celui-là, de façon totalement naturelle, sans se rendre compte des enjeux économiques, voire financiers qui sont derrière. Exactement, exactement. C'est-à-dire que derrière une recherche, il y a en fait des enjeux économiques très importants. Et le but de l'ILO, justement, c'est de là où finalement il y avait cette création de valeur qui était assez opaque, le but de l'ILO, c'est de rendre ça totalement transparent et de rendre le pouvoir à l'internaute pour lui dire voilà, tu as aussi le pouvoir de récupérer l'argent généré par cette recherche pour pouvoir le redistribuer à différentes associations et projets socio-environnementaux. Mais alors, vous vous payez comment, vous, Lilo ? Alors, notre business model, on voulait faire quelque chose de très simple et de très compréhensible, et surtout aussi de très engageant. Et donc, c'est très simple. On va reverser la moitié de tout ce qu'on touche, donc du chiffre d'affaires de Lilo, à partir du moteur de recherche, mais aussi d'autres services qu'on est en train de développer, aux projets socio-environnementaux, donc 50% du chiffre d'affaires, et on se finance avec les autres 50%. Je suis assez, on se connaît déjà un petit peu, Clément Lebras, mais moi-même, je le disais, je suis utilisateur de Lilo, mais je trouve ça absolument remarquable comme démarche. Quelque part, finalement, c'est une manière de faire du business avec de l'éthique. C'est une manière de faire du business avec de l'éthique, ou plutôt d'inclure... la démarche est plutôt inverse, je dirais, c'est-à-dire faire de l'éthique et mettre le business au service de l'éthique. Voilà, et le business et Internet au service de l'éthique. On est d'accord. Alors, j'aimerais qu'on profite précisément de la présence de nos invités ici. Je ne sais pas qui veut commencer. J'aimerais comprendre aussi, on a compris à peu près ce que vous faites. Néanmoins, comment vous en êtes arrivé à participer, à vous inscrire sur la plateforme lilo.org pour bénéficier de ces gouttes, et puis comment ça s'est passé, et puis surtout, qu'est-ce que vous faites avec cet argent récolté? Qui est-ce qui veut commencer? Voilà, tout le monde désigne Isabelle Vaillant. Je crois qu'il va falloir vous jeter à l'eau. Donc je rappelle que vous êtes, Isabelle, coordinatrice de l'activité à l'association Dynamo, c'est à Nancy. Oui, alors pourquoi Lilo? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, le rapport, le lien évident entre le sens, la démarche qui est défendue par Lilo, et puis ce qu'on défend aussi au quotidien, c'est-à-dire être accessible à tous, à toutes, faire en sorte que le projet vive dans une dimension locale. Il y a différents types d'enjeux dont Axel pourra vous parler juste après, qu'on défend au sein de cette association. Et puis, on en parlait aussi, nous, on souhaitait par la plateforme aussi se faire connaître un peu plus, améliorer la visibilité, faire en sorte que... Ça veut dire, Isabelle Vaillant, oui, que Lilo vous permet aussi de faire la promotion de votre activité. Ça nous permet, oui, de nous faire connaître un peu plus. Oui, oui, bien au-delà des gouttes d'eau, parce qu'on n'est pas... on ne reçoit pas énormément pour l'instant. On n'est pas immergé. Voilà, on n'est pas... on se noie pas actuellement. Précisément, combien de gouttes d'eau aujourd'hui récupérées, ou en tout cas l'équivalent monétaire ou financier? Oui, alors ça fait un an à peu près qu'on est sur Lilo, et ça correspond à peu près à 200 euros. Ah ben, il vous reste de la marge. Si on entend tout à l'heure Clément Lebras parler de 6 000 euros, il vous reste de la marge. Oui, oui, oui, tout à fait. Il parlait des autres types de projets qui ont pour but justement de faire parler d'eux aussi, et puis de contribuer à la continuité de l'association en plus de tous les soutiens qu'on peut avoir. En tout cas, c'est un plus, c'est un coup de pouce. Mais ça veut dire d'ailleurs, je crois que c'est le principe même aussi de la démarche, Clément Lebras, il y a des associations, des structures qui bénéficient précisément de ce fameux coup de pouce. Oui, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est effectivement, dans l'idéal, effectivement, on pourrait financer tous les projets de manière substantielle, et c'est vraiment l'objectif aussi qu'on s'est fixé. Après, le principe aussi, et ce qu'on souhaite faire, c'est être une plateforme pour mettre en relation les acteurs, pour aussi permettre aux associations d'avoir une autre plateforme pour porter la voix de leurs engagements et de leurs actions, puisqu'aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc nous, on veut créer justement cet espace où les associations vont pouvoir derrière peut-être demain proposer des missions, recruter des bénévoles. Et donc c'est vraiment ça aussi un des objectifs de cette plateforme. Parce que ce n'est pas lilo.org qui décide de soutenir un projet, ce sont bien les utilisateurs de Lilo qui, eux, décident d'affecter ou non, d'ailleurs, leur goutte d'eau à tel ou tel projet. Oui, c'est ça. C'est que nous, on veut vraiment laisser les utilisateurs le plus libres possible. Donc aujourd'hui, on a un peu un système un peu mixte où nous, on fait une première validation, effectivement, du projet, du sérieux du projet et de son impact. Et ensuite, les utilisateurs peuvent donner leur goutte d'eau. Alors, on a cette plateforme intermédiaire, effectivement, où les projets peuvent déjà commencer à fédérer leur communauté, et où ensuite ils vont aller, une fois par semaine, le projet qui aura le plus de soutien ira sur la plateforme générale. Mais tout ça, c'est effectivement des réflexions qu'on est en train de mener en ce moment. Mais le but, en en tout cas, c'est de laisser les utilisateurs le plus libre possible. Mmh. Même question à Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune Lorraine. Pourquoi Lilo et où en êtes-vous aujourd'hui de la collecte de gouttes d'eau et que comptez-vous faire avec cet argent ? Pourquoi Lilo ? Parce que c'est un moteur de recherche écologique, c'est-à-dire qu'ils font attention à leur environnement, et là, donc ça c'est très bien, c'est dans notre fibre de l'association, quoi. Donc après, je ne sais pas où on en est, nous, au niveau de la récolte des fonds, mais voilà, après, c'est une visibilité pour nous aussi, pour les gens qui utilisent Lilo, donc... Pour nous, c'est parfait. Donc, il reste aussi encore de la marge. Clément Lebras, vous qui êtes cofondateur de Lilo, vous disiez tout à l'heure en moyenne 6 000 euros par projet soutenu. Quel conseil pourriez-vous donner à l'association Dynamo, d'une part, et puis au centre de sauvegarde de la faune de Lorraine pour eh bien, récolter encore plus de gouttes d'eau et bientôt faire en sorte que le vase déborde? Alors, nous, on est vraiment en train de construire justement ça avec des retours d'expérience en fait de projet, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir aussi vos deux témoignages et ce qu'on voit c'est que il y a des projets on peut par exemple parler de Netsi qui est une association qui officie à Marseille sur la pollution plastique et qui en fait en quelques temps ont fédéré une communauté assez importante par de la communication. Après nous, comme je vous ai dit, l'enjeu, ça va être, c'est plus à nous, je pense, en tout cas, notre vision, c'est plus à Lilo d'apporter, on souhaite plus apporter des services aux associations et leur permettre justement d'avoir via cette plateforme de répondre à des besoins qu'ont les associations. Donc c'est le financement, ça peut être le bénévolat, ça peut être la mise en relation. Je ne sais pas si vous avez des témoignages dans ce sens-là, mais en tout cas, je sais qu'il y a des projets. Où il y a des utilisateurs qui les ont découverts, ou par exemple aussi des bénéficiaires qui ont découvert les projets via la plateforme Lilo. Donc c'est aussi tout ça l'impact et le but de Lilo. Mmh. Clément Lebras, je vais vous poser une question un peu brutale et directe. Est-ce que le risque, ce n'est pas aussi de donner bonne conscience finalement aux internautes et aux utilisateurs, puisque on sait aujourd'hui qu'Internet est extrêmement énergivore, en se disant je clique, sachant que ça servira à la bonne cause? Alors, nous, la première chose, c'est que le comportement des utilisateurs, c'est-à-dire des recherches, on détecte très rapidement, en fait, si on est sur un comportement qui est, qui ne va pas être naturel, au sens où on va faire des recherches juste simplement pour collecter des gouttes d'eau. Donc, par rapport à ça, il ne peut pas arriver d'avoir un utilisateur qui va simplement cliquer juste pour générer des gouttes. En tout cas, on a mis des questions de sécurité, parce qu'on veut effectivement que les gens fassent leurs recherches qu'ils auraient fait de toute manière. Et donc, cet argent-là aurait de toute façon été généré. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est quitte à ce qu'elle soit générée, autant qu'elle soit utile. Ça peut répondre à votre question. Mmh. Clément Lebras, aujourd'hui, Lilo vient de verser son premier million de soutien aux organismes divers et variés, au reste, qui portent des projets sociaux et environnementaux, avec d'ailleurs en perspective l'ouverture à l'international d'une part, et puis bientôt un deuxième million. Alors, nous, notre enjeu, c'est effectivement de se développer à l'international, puisque on a aussi énormément d'internautes. Enfin, la France reste même dans le paysage mondial un marché relativement petit par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Amérique du Nord ou dans d'autres pays européens. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et le deuxième million, nous, effectivement, c'est ça qui est la force, en tout cas, d'un modèle comme Lilo, c'est que l'argent, en fait, va être récurrent, et donc plus on a d'utilisateurs, et plus l'argent reversé est important. Et je peux vous donner juste un ou deux chiffres comme ça pour vous rendre compte. Très bien. On s'est lancé en 2015 et on a reversé la première année 50 000 euros et cette année on va sans doute reverser rien que sur l'année pas loin de 1 million d'euros sur l'année. We'll be right back. qu'ils ne peuvent expliquer. Il est grand temps que l'on enseigne, il est temps d'étudier. Ne nous laissons plus jamais faire, apprenons du passé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer. Il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler. Il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver. Il est temps de s'armer de livres, plus le temps d'être manipulé. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Nous sommes toujours avec Clément Lebras, cofondateur du moteur de recherche éthique Lilo.org, avec nous au téléphone depuis Paris. Isabelle Vaillant et Axel Broman de l'association Dynamo à Nancy, et Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. J'aimerais que les représentants associatifs ici nous expliquent un peu comment ça marche aujourd'hui, quelles difficultés vous rencontrez pour financer vos projets, et on l'a bien compris, Lilo est un plus, mais pas suffisant. Qui veut répondre ? Axel Broman. Pourquoi pas ? L'association Dynamo. Pour répondre à la question, le gros souci aujourd'hui, c'est que les subventions, notamment, l'association Dynamo vit beaucoup des subventions puisque c'est un aide sociale, etc. Donc, Qu'est-ce que ça représente comme budget ? Plus de 100 000 euros par an. Mmh. Alors, je ne sais plus en tête les chiffres exacts. Donc c'est quand même un gros budget qui va payer notamment des salariés derrière, parce qu'on a besoin. Et donc le gros souci majeur, c'est que les subventions se basent principalement sur des nouveaux projets, non pas sur sur le fonctionnement. Bien sûr, ça c'est un grand classique. Or, Dynamo, son but principal, c'est de proposer donc un atelier d'auto-réparation, qui, depuis 10 ans, c'est toujours la même chose, en fait. Ça ne change pas, évidemment. Donc l'objet de lancer des projets annexes, enfin les bénévoles, par rapport à nos envies, pour éventuellement avoir quelques subventions à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Justement, le témoignage de Clément Lebras, est-ce qu'il y a une obligation fléchée d'utiliser l'argent récolté, d'une part? Est-ce que, par exemple, l'association Dynamo, alors ils en sont à 185 euros, c'est un début, ils auront bientôt plus de 6 000 euros, on compte sur vous d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une obligation d'affecter cet argent à de l'investissement du projet ou simplement à du fonctionnement? Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de... Allez, je vais dire le mot, une faiblesse, peut-être une incapacité, une difficulté peut-être culturelle à précisément se faire connaître et faire connaître un projet tout simplement en termes de communication. Est-ce que le milieu associatif français a une certaine difficulté avec un rapport à la communication ? Par rapport à l'argent effectivement qui est reversé, donc c'est une convention de partenariat. Nous, ce qui est important, c'est que l'argent soit utilisé par rapport à ce qui est décrit sur la fiche projet. Donc en fait, quand par exemple on a la fiche projet Dynamo va expliquer ses missions, ses objectifs, et donc cet argent-là va être utilisé par rapport à cette mission. Après, on est un peu différent du crowdfunding dans la mesure où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de date limite et d'objectif, donc c'est aussi du financement mensuel au fil de l'eau. Et donc c'est aussi pour soutenir dans la durée quand on arrive justement à commencer à reverser 100 euros, 200, 300 euros par mois, pouvoir soutenir l'activité de l'association dans la durée, l'aider aussi parce qu'aujourd'hui il y a un gros problème de trésorerie dans les associations, leur fonds de roulement, et aussi à avoir de la visibilité sur les financements. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à la communication, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui font de l'excellent travail en termes de communication. Ça c'est clair. Après, peut-être que ce qui manquerait aujourd'hui, c'est justement plutôt des plateformes qui vont être spécialisées. Alors, il y a déjà des choses qui se font. Il y a LOASO qui fait un très bon travail de ce point de vue-là dans l'accompagnement aussi des associations. Il y a des outils qui se développent, mais si vous voulez, aujourd'hui, les moyens principaux, en tout cas sur Internet pour communiquer, ça reste la newsletter, ça reste Facebook, ça reste les réseaux sociaux qui sont très généralistes et qui ne sont pas forcément adaptés, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le fait qu'une association ne fasse pas de la bonne communication. Je pense que c'est plutôt qu'aujourd'hui, les outils ne sont pas adaptés aux associations. Alexandre Portman, est-ce que les naturalistes, parce que vous êtes des naturalistes à la base, du centre de sauvegarde de la faune Lorraine, sont des communicants? Est-ce que c'est dans vos gènes? Est-ce que c'est dans votre culture? Oui, alors on communique sur Facebook principalement, là où on a fait aussi notre pub pour l'ILO. Sauf que après on est une jeune association, depuis 2016 on accepte les animaux pour pouvoir les soigner. Donc on a fédéré pas mal de monde sur Facebook, mais ça a eu du mal à suivre sur l'ILO. Voilà, après la communication, faut savoir que ça compte aussi avec le nombre de salariés. C'est-à-dire que nous on a les mains prises par les animaux. Donc on n'a pas tout le temps de faire de la communication. La communication, nous, elle est faite par le président bénévolement, le président de l'association Frédéric Burda. C'est quand même bien ce que je dis, Alexandre Portman, c'est-à-dire que les naturalistes, et de façon générale, quand on est engagé bénévolement dans une association, c'est généralement pour faire l'objet même de l'association, en l'occurrence, c'est de soigner les animaux sauvages. Pour autant, la communication, c'est une autre façon de contribuer. Clément Lebras, quel conseil à Alexandre Portman pour accumuler là aussi davantage de gouttes d'eau sur l'ILO.org? En termes de conseil, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, Facebook, ça peut être un outil, Facebook, ça peut être un outil puissant. Après, l'inconvénient de Facebook aussi, c'est qu'ils vont limiter la diffusion justement et la visibilité des posts, puisque leur business c'est de faire payer en fait aux pages une visibilité supplémentaire. Donc après, nous ce qu'on fait, c'est que régulièrement on fait aussi des reportages, on investit donc sur l'autre partie justement des 50% pour de la création de contenu pour les associations. Et après, peut-être pour un conseil aussi très très simple, c'est de voir à quel niveau l'association en est sur la plateforme intermédiaire et de peut-être tenter pendant une semaine ou deux semaines d'avoir une communication un peu plus intensive pour passer en financement projet auprès de tous. Et après, on a mis aussi en place un outil qui permet aux associations de communiquer sur l'ILO, de donner leurs réussites, leurs actualités, et donc de fédérer en fait les utilisateurs qui sont aussi sur l'ILO. Voilà. Isabelle Vaillant, coordinatrice de l'activité de l'association Dynamo à Nancy, est-ce que aujourd'hui il est plus difficile d'obtenir des moyens financiers qu'il y a quelques années encore, et est-ce que le modèle que propose l'ILO.org, c'est le modèle de demain, à savoir l'argent privé, contrairement à l'argent l'argent public? Est-ce que c'est ça le modèle de demain? Est-ce que c'est souhaitable? Non, je pense pas que ce soit souhaitable. Nous, ce qu'on constate, c'est que en termes de valeur, de projet de société, tout ce qui concerne la transition écologique, le développement durable, le développement des modes de transport doux pour ce qui nous concerne, c'est vraiment vogue. Ça vient de plus en plus dans les mentalités, de plus en plus de personnes. Voilà, on s'en rend compte à l'association. Viennent et veulent se déplacer à vélo. Et pour autant, même si, la preuve est là. C'est pas pour ça qu'on va avoir une assurance de pouvoir continuer chaque année. On est en sursis régulièrement en fin d'année à se dire. Je sais bien qu'à vélo, si on ne pédale pas, on tombe. Si on n'avance pas, on tombe. Est-ce que vous-même, alors la question s'adresse à tous les trois, Alexandre Portman, Isabelle Vaillant et Axel Broman, à la fois pour Dynamo et puis pour le Centre de sauvegarde de la faune de Lorraine. Est-ce que vous faites suffisamment savoir votre action aussi engagée sur l'ILO? Ah, là, il y a un grand blanc. Bah, nous, on a fait de la pub. Alexandre Portman. On a fait de la pub régulièrement sur notre Facebook, sur notre newsletter pour nos adhérents. Après, comme je vous disais, nous, on est trois salariés. On travaille 7 jours sur 7, le centre de soins est ouvert. En plein été, c'est une tranche horaire de 7h à 22h pour nourrir les animaux, pour les élever, les petits bébés écureuils, les bébés hérissons, ce genre d'animaux. Donc c'est vrai que le temps de communication et pouvoir le faire... On est quand même réduit à un minimum de temps. Clément Lebras, quand vous entendez ce témoignage, j'imagine que c'est avec même 1 million d'euros versés, ça doit être en même temps très frustrant de se dire qu'on aimerait en faire beaucoup plus, non? Complètement, complètement. Et moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que, premièrement, l'ILO n'a absolument pas vocation à remplacer des financements aujourd'hui publics, bien au contraire. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on souhaite, nous, que l'ILO soit vraiment une aide et un apport. Et donc, on réfléchit toute notre énergie est concentrée sur comment est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir soutenir plus de projets et apporter des solutions concrètes à des besoins qu'ont ces associations. Durablement vôtre, Eric Mutcher. L'homme ordinaire, plus jeune et insouciant, à l'abri des affres des années qui passent, invulnérable, porté par le vent de cette jeunesse qui croyait-il, hélas, allait se poursuivre éternellement, comme si le temps s'arrêtait, se prélasse. Fort de l'enthousiasme de ses 20 ans, il était certain de mener sa barque différemment de celle de ses parents. Moi, vous verrez, je vais laisser ma marque, qu'il leur disait un peu arrogant, alors qu'il avait toute la vie devant. Mais les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'homme ordinaire met sa montre à l'heure, car soudainement le temps vient à manquer. Si jadis il n'était pas un facteur, ce dernier devient précieux et compté. Et au milieu de cette vaine poursuite, il se dit que la vie passe trop vite. La grosse télé, la petite vision, le voyage dans le sud à la relâche, accepter de vivre comme un mouton, suivre la masse, s'atteler à la tâche. À la remorque du temps qui s'enfuit, l'homme se rend compte qu'il a peu accompli. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Se dit qu'il vivote, il sait bien qu'il est à côté de la plaque, tous les matins, le jour de la marmotte, et sa vie qui va droit dans un cul-de-sac. Ah, comme il aimerait en changer de cours, avoir l'audace de faire demi-tour. C'est le courage de nos décisions qui se veut le moteur de nos actions. C'est lui qui nous pousse à franchir le pont et le fossé de la résignation. Mais qu'on soit immobile ou en mouvement, une chose est sûre, rien n'arrête le temps. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage les rêves que l'on n'a pas réalisés, qui s'essoufflent à la façon d'un mirage. C'est dans le pas la réalité, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Car les aiguilles tout au fond de l'horloge battent la mesure et jamais ne dérogent. Clément Lebras, cofondateur de l'ILO.org, quel est votre parcours personnel, professionnel et comment vous en êtes arrivé à cette aventure extraordinaire de l'ILO.org ? Alors moi je suis diplômé ingénieur des mines de Paris, plutôt spécialisé dans l'énergie, donc a priori rien à voir avec Internet. Simplement, j'ai vécu une expérience qui a été assez déterminante. J'ai travaillé pendant un an en ONG à Madagascar, notamment dans le domaine de la scolarisation pour des jeunes de brousse et de l'hôtellerie-restauration et de l'entrepreneuriat social. Et j'ai vraiment, à cette occasion, à travers des lectures, à travers des rencontres, découvert le concept justement d'entrepreneuriat social où le but étant de créer une entreprise, non pas pour faire du profit, mais au service d'une cause ou d'une finalité sociale ou environnementale, ou les deux. Et suite à ça, je suis parti pendant un mois au Cambodge pour faire un audit et rencontrer des entrepreneurs sociaux, puisque c'est un pays qui est en pleine mutation par rapport au paysage associatif, justement, par rapport au manque de financement. Beaucoup d'associations commencent à développer des nouveaux modèles de financement, notamment d'entreprises sociales. Mmh. Et en rentrant en France, il y avait eu justement cette idée de reverser, d'utiliser en fait les revenus générés par Internet, qui sont colossaux, au profit justement d'associations et également de transformer Internet, qui aujourd'hui, par certains points de vue, comme une énorme plateforme d'échange de données et de génération de revenus, de remettre Internet au service de l'homme et de l'environnement et non l'inverse. Mmh. Et c'est à partir de cette réflexion-là que j'ai rencontré effectivement mon associé Marc Osser, qui lui est ingénieur informaticien, et de cette idée en fait est né le moteur de recherche Lilo, puisqu'effectivement le moteur de recherche est un bon premier pas pour justement financer ces associations et faire comprendre aux internautes les pouvoirs qu'a leur navigation sur Internet. Pour autant, Clément Lebras, vous êtes un chef d'entreprise. L'entreprise a normalement vocation à générer des profits. Vous êtes un philanthrope ? Non. Moi, je me considère absolument pas comme philanthrope. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment inventer des nouveaux schémas. On a un peu cette idée du monde où on va avoir d'un côté les entreprises, le monde sérieux, le monde du business pour faire du profit, puis de l'autre côté les associations qui seraient là un petit peu pour s'occuper du social et de l'environnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut complètement arrêter de penser de manière binaire et au contraire, l'entreprise doit intégrer son impact social et environnemental au cœur de sa stratégie. C'est-à-dire, on n'est pas sur des questions de greenwashing ou de social washing. Par exemple, chez Lilo, on reverse 50% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là, on est sur des enjeux stratégiques majeurs, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau après derrière de l'impact social et environnemental. Donc moi, je pense que l'avenir, en tout cas l'entreprise, est un avenir où l'entreprise sera vraiment réconciliée entre guillemets avec son impact social et environnemental et aussi avec le monde associatif. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? On termine avec la séquence coup de cœur, coup de gueule. Allez, on va commencer avec vous, Axel Broman, secrétaire au conseil d'administration de l'association nancéenne Dynamo. Coup de cœur ou coup de gueule ? Ah, plutôt coup de cœur. Allons-y. Alors, c'est un vécu. Grâce à Dynamo, j'ai pu profiter du programme Dinomad, il y a environ 2 ans maintenant, pour aller en randonnée, en cyclo-randonnée plus précisément, à Nouvelle-Orussion, qu'on l'appelle, bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est un voyage qui s'est déroulé sur une dizaine de journées, et de nuits bien évidemment, en totale vélonomie, on dit pas autonomie, non c'est une blague, sur nos vélos, nous étions 6, hein, 6 personnes de Dynamo, et une personne extérieure à l'époque. Et nous sommes partis avec les toiles de tente et les sacoches remplies de tout l'équipement nécessaire pour voyager à vélo. Donc c'était fort sympathique. Nous sommes partis début juillet. Nous avons eu de beau temps, une journée de pluie au début, puis ensuite le grand soleil le reste de la promenade. Je ne sais plus si j'ai donné la destination. Je ne crois pas. Alors, nous avons fait Saint-Étienne-Toulouse. Par ah oui. Le massif central. Donc c'est un coup de cœur pour le coup de pédale, quoi. C'est ça. Donc hors le fait que c'était un peu physique, il faut l'avouer, c'était quand même bien sympathique, les paysages étaient magnifiques, l'ambiance locale était fort sympathique aussi, la faune, la flore, etc. Et ça, c'est une initiative Dynamo. Alors oui, en fait, Dynamo propose donc le programme Dynomad, qui met à disposition des vélos de randonnée, et des équipements tels que toiles de tente, sacoches, popotes, etc., aux adhérents à prix libre. Et ben voilà. un autre service, l'association Dynamo. Isabelle Vaillant, coordinatrice précisément de l'activité Dynamo. Coup de cœur, coup de gueule. Un coup de cœur également. C'est bien, on est positif à Dynamo. Non, un coup de cœur sur globalement, enfin pour l'activité aussi qui nous concerne, il y a de plus en plus d'ateliers vélo qui existent, qui se mettent en route. Nous, notre souhait, c'est vraiment que ça puisse être essaimé, pas forcément sur le modèle qu'on connaît à Dynamo, mais qu'il y ait de plus en plus d'endroits dans la proximité de vie des gens qui puissent être là. Représenté comme un service, comme un soutien aux personnes qui aimeraient acheter, réparer des vélos, etc. Et on se rend compte que c'est des vrais lieux de vie, des vrais lieux de rencontre, de liens. Et c'est, je pense, ce qui manque de plus en plus actuellement. Donc si le vélo peut être, en plus d'un mode de déplacement, un média pour créer de l'échange entre les gens, ce serait... Et qu'est-ce qui manque pour que ça, précisément, prenne cette tournure quasi... cet aspect professionnel aussi se développe, Isabelle Vaillant? Je pense que c'est un peu de temps encore pour que les choses se connaissent, se mettent en place. Et puis, on a parlé de la question des financements pour qu'il y ait des personnes qui puissent œuvrer au développement de ce type de lieu. Après, c'est aussi énormément porté par les citoyens, citoyennes eux-mêmes et les bénévoles qui agissent sur les territoires. Je pense que c'est avant tout une question de volonté, de temps, oui. Alexandre Portman, porte-parole du Centre de sauvegarde de la faune Lorraine. Coup de cœur, coup de gueule. Bon, ben, allez, on va faire coup de gueule. Ça changera. Coup de gueule sur le terme qui est entendu régulièrement, biodiversité, qu'on l'entend beaucoup, mais derrière, on n'a pas l'impression que ça bouge de trop. Ça bouge même pas beaucoup. Voilà, comme une petite actualité qui vient de sortir sur la chasse. À différentes façons, à la glu qui n'est pas du tout sélective, donc on va avoir des espèces protégées qui vont mourir. Biodiversité, nous, ça fait partie de notre association, parce que toute cette biodiversité, on la soigne, on la relâche. Et dans un coup de gueule, on a des manques de partenaires, et dans un il y a un coup de cœur, on a aussi des bons partenaires au fur et à mesure des années qui nous suivent. Et c'est ce qui nous aide à... Alexandre Portman, des partenaires institutionnels qui nous suivent. Nous, on a la région qui nous suit, le département 54. Mais par exemple, 50% des animaux viennent de la Moselle et on n'a rien de la Moselle, quoi. Donc il faut imaginer... Le département de la Moselle ne vous suit pas. Pas du tout. Et il faut savoir que c'est 1700 animaux qui sont déjà arrivés cette année au centre de soins. Donc 1700 animaux et 50% à peu près sont relâchés. Alexandre Portman, est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de servir un peu finalement d'alibi en se disant, bon, allez, ce sont des bénévoles qui font tout ça, on sait que le travail bénévole est considérable, y compris dans son apport économique dans une société. Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de pallier à précisément cette défaillance de l'action publique en se disant, parce que vous ne pouvez pas ne pas soigner ces animaux, et donc on compte sur le démarche bénévole? Voilà, donc après... pallier, oui, on pallie totalement un besoin des gens, mais derrière, il faut savoir que c'est bénévole, mais c'est aussi professionnel. Il faut dire qu'on est les seuls autorisés sur la Lorraine à pouvoir le faire. Parce que nous, moi, en tant que personne, j'ai un arrêté préfectoral qui m'autorise à détenir ces animaux pour pouvoir les soigner. Et après, derrière, on a encore des arrêtés, donc on a pas mal de contraintes administratives. Mais après, c'est pour le bien-être des animaux, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que derrière, c'est des contraintes. Il faut savoir qu'on parlait du fonctionnement tout à l'heure. Le fonctionnement d'une association, nous, on a les salariés, mais derrière, il y a toute la nourriture des animaux qui font rentrer dedans. Bien alors, sûr. 1700 animaux, je vous dis pas ce que ça peut consommer. On a tous les produits ménagers. On est comme un hôpital. Hein. Il faut que sanitairement, on soit parfait, irréprochable. On connaît l'état des hôpitaux aujourd'hui. Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org, coup de cœur, coup de gueule. Alors moi, ça va être un coup de cœur pour un coup de gueule. Non, je triche un petit peu là, mais c'est sur la vidéo de toute récente en fait de Aurélien Barraud, donc qui est passé sur les réseaux sociaux et qui est un chercheur astrophysicien et qui a notamment qui est à l'origine d'un appel plus de 200 personnalités pour appeler le monde politique à prendre des mesures efficaces. Par rapport au réchauffement climatique, on voit que le rapport du GIEC vient juste de tomber, rapport extrêmement alarmant. Et ce discours d'Aurélien Barraud, ce qu'on a vu, c'est qu'il a fait plus de 5 millions de vues en quelques jours sur les réseaux sociaux. Et donc ça donne un peu l'espoir que effectivement aujourd'hui ces questions-là commencent à avoir un vrai impact sur le grand public. Voilà pour cette émission sur l'entreprise à mission Lilo.org, qui grâce aux gouttes versées par les utilisateurs de son moteur de recherche Lilo, vient de verser 1 million d'euros à 150 porteurs de projets sociaux et environnementaux, et ce n'est qu'un début. Avec Clément Lebras, cofondateur de Lilo.org, Isabelle Vaillant et Axel Broman, respectivement coordinatrice et secrétaire de l'association nancéenne Dynamo, et Alexandre Portman, responsable capacitaire du Centre de soins de la faune sauvage de Lorraine. Pour en savoir plus sur Lilo.org et pourquoi pas devenir utilisateur du moteur de recherche Lilo, vous verrez, c'est très facile à installer. Et vous aussi, sans rien changer à vos habitudes, contribuer au financement de Dynamo ou du Centre de soins de la faune sauvage de Lorraine ou l'un des 150 projets sociaux et environnementaux que vous choisissez, rendez-vous sur Lilo.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Deux petites gouttes d'eau par Patrick Abrial, paru sur l'album Je nous aime, sorti en 1972. Il est temps par le groupe Terra, paru sur l'album Enfant du destin, sorti en 2013. Et enfin L'horloge par le groupe québécois Les Cowboys fringants, paru sur l'album Que du vent, sorti en 2011. Merci à RCF Lorraine pour les moyens techniques et à Véronique Olivier pour la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.